La signalisation annonce une intersection avec priorité à droite à environ 150 mètres. Le dépassement de tout véhicule à moteur à plus de deux roues est interdit parce que si un véhicule se présente à droite, je devrais lui céder le passage. Le fait que le véhicule rouge roule lentement ne change rien à l'attitude que je dois avoir ici. Je renonce au dépassement et je me rabats immédiatement. Réponse B.